Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1980, les Cahiers du cinéma proposaient à Marguerite Duras de composer un numéro spécial. Cela donna Les yeux verts, numéro 312-313 de la revue. Des textes, des entretiens, des photographies, par lesquels Duras parlait de son travail cinématographique, du cinéma en général et en particulier, de Renoir, Bresson, Chaplin, Dreyer, Tati, Godard, Lawton, de la télévision, de la politique, du monde et de bien autre chose. Elle y écrivait « À soi seul, on peut inventer d'écrire. Partout, dans n'importe quel cas. Le cinéma, non. Le cinéma n'appelle pas. Il n'attend pas comme l'écrit cette précipitation dans le livre. » Quand personne ne fait de cinéma, le cinéma n'existe pas, n'a jamais existé. Quand personne n'écrit, l'écrit existe encore, il a toujours existé. Quand ce sera fini, sur le monde mourant, la planète grise, il existera encore partout, dans l'air du temps, sur la mer. En 1979, Marguerite Duras parlait depuis hier, où se tenait le Festival du jeune cinéma qui lui rendait hommage en programmant trois de ses films, Ses arrêts, Les mains négatives et Aurélia Steiner, Vancouver. C'est un mot que j'emploie pas, mais je sais que ça procède d'une telle gentillesse de la part des gens du cinéma différent. Je suis venue tout de suite, vous voyez, je devais aller à Venise. J'ai plaqué Venise pour venir ailleurs. Si je dois aller quelque part, c'est ici. Et pourquoi ? Qu'est-ce que représente ce festival pour vous ? Est-ce qu'il représente le cinéma tel que vous le concevez? C'est lui qui représente le cinéma. Et je me souviens que Nogues le disait une fois dans une émission, le cinéma différent, c'est le cinéma commercial. Le véritable cinéma, c'est ça. C'est-à-dire qu'il représente pour moi la liberté et la passion. Et le manque total d'esprit, de gain. Si on situe trop, on va le circonscrire et c'est pas bon. C'est un des aspects de la chose, oui. Moi, si vous voulez, j'ai rétabli le texte. Mais ça, je le fais depuis longtemps. Je le fais même depuis Hiroshima. Le cinéma qui parle. Mais c'est vrai qu'il y a un manque dans la... Dans l'écrit, remarquez, en ce moment, je reviens à l'écrit avec ces trois films, c'est le retour complet à l'écrit. J'avais commencé déjà avec India Song. C'est le signe que je vais revenir à des livres, sans doute. Généralement, c'est un signe, ça. Lorsque vous revenez à l'écrit, au travers des films. Cette extrême émotion, cet extrême bonheur que j'ai eu à écrire, enfin, de douleur aussi, bien sûr. C'est un bonheur très douloureux. À écrire les textes des trois films, oui, ça doit être un signe que j'ai atteint quelque chose sans doute dans le cinéma. Quant à moi, vous voulez, je ne parle pas pour les autres. Je ne parle presque jamais pour les autres. Je ne sais pas le faire. Alors que sont ces trois films? Il y a César qui a été très bien accueilli jusqu'à présent. Parlez-nous, il faut nous en parler un petit peu. César a été fait avec des chutes. Des plans non utilisés plutôt, c'est pas des chutes, des plans non utilisés du navire Night. Et les mains négatives ont été... Le film a été également fait avec des outs, ce qu'on appelle des outs en termes de montage, des NU non utilisés du Night. Et le dernier a été produit par Chapier, par la ville de Paris, Aurélia Steiner, qui est le plus long, qui fait donc 35 minutes. Et celui-là, vous l'avez réservé au festival d'hier? Non, les deux, ils sont tous les trois. Il y en a qu'un qui soit sorti 8 jours à la pagode avec le Night, et je l'ai enlevé. Je ne voulais pas les séparer. Les uns les autres. Et ils vont sortir probablement, même très sûrement, puisque je l'ai promis, chez Paolo Branco, à l'Action République, qui est tout à fait un cinéma pour ça. Oui. J'ai remarqué qu'au cours de ce festival, il y avait beaucoup de courts-métrages. Moi, j'ai l'impression que le court-métrage est en train de revenir en force dans le cinéma et qu'il signifie enfin quelque chose pour les cinéphiles. Vous savez, moi, c'est complètement un accident, comme souvent dans ce que je fais. C'est-à-dire que je ne pouvais pas supporter l'idée d'abandonner ces plans. de Césarée et des Manégatives, qui sont des plans magnifiques et que j'avais particulièrement voulu. Enfin, je me souviens que j'ai travaillé au cadre comme jamais j'avais travaillé au cadre dans mes autres films, surtout sur les statues, sur l'obélisque, etc. Et je ne pouvais pas supporter l'idée de les perdre, hein, de les jeter. Et j'avais toujours dit que je ne ferais jamais de court-métrage. C'était des longueurs fausses, si vous voulez. Et j'y suis arrivée. Pour ne pas perdre ces images, j'y suis arrivée. Je les adore, ces courts-métrages, je dois dire. Je les trouve... Enfin, je les aime énormément, énormément. Parce que lorsque vous tournez un film, vous êtes tellement, finalement, dans les images que chaque image a son importance. Et c'est pour ça que vous avez ce regret des chutes. Je suis d'abord dans le texte. D'abord dans le texte. Oui. L'image vient ensuite. On cite Noguès, là, un petit peu. Parce que Noguès dit des choses tellement belles. J'aimerais que ce soit vous, d'ailleurs, qui les citiez. Non, vous préférez ? Eh bien, Noguès dit, à propos de l'écriture, dit « écriture sympathique », oui, c'est-à-dire que le texte et l'image se révèlent mutuellement. C'est-à-dire aussi que la synchronisation n'est plus littérale, comme dans 99% des films, mais de ton à ton, de mouvement à mouvement, d'intensité à intensité. Là, je crois que vous êtes en parfait accord avec ce que dit Noguès. Il dit ensuite « ce que Césarée, les mains négatives et Aurélia Stenner inventent, c'est un nouveau genre de cinéma, un cinéma des correspondances, baudelairien peut-être, mais surréaliste assurément, au sens fort, au sens que Breton cherchait, mais qu'aucun cinéaste n'avait encore vraiment trouvé. » C'est très gentil. Mais nous parlions avec... Je sais qu'il le pense complètement, parce qu'il est incapable de faire un compliment. Noguès, il le pense. Quand il m'a écrit à propos des mains négatives, j'étais enchantée. Quoi. Il l'avait vu avant de venir ici. J'ai fait une séance privée pour Michel Cournot et Dominique Noguès. Et Michel Cournot en a parlé dans un article du Monde déjà, à propos d'Avignon. Et là, vous allez revenir à l'écriture progressivement. Je suis revenue avec ces films. C'est pas du tout parce que ce sont des textes de cinéma que ce ne sont pas des textes. Ce sont des textes. C'est vrai, vous le disiez. Vous le disiez. C'est vrai que dans India Song, on le ressent déjà très fortement. Dans Hiroshima, mon amour. Oui, aussi. Mais c'est déjà plus ancien. C'est ce dont on fait grief tous les professionnels du cinéma. Mais pour quelle raison, à votre avis, justement, les professionnels du cinéma refusent-ils l'écriture de cette façon-là? Je pense parce que l'écriture représente un danger pour eux, peut-être. Comme ils s'en servent... C'est difficile de se servir de l'écriture. Vous voyez ? C'est ça, c'est une arme à double tranchant et justement parce qu'ils ne savent pas la manier, ils préfèrent la refuser. Je sais pas, vous le dites. Oui, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je trouve ça très dur pour les autres, très dur pour les écrivains qui préfèrent du cinéma. Parce que ça a été très longtemps pour moi, enfin un rejet total. Est-ce que ça voudrait dire, bon, dans mon interprétation... Je me souviens, il paraît qu'il y a un article, il y a des écrits de Sadoul qui reviennent là. Et il a parlé d'une morale douteuse à propos de la morale de la fille d'Hiroshima. Vous vous rendez compte, ce type qui était donc d'une gauche orthodoxe, néo-stalinienne, ou post-stalinienne, eh bien, il trouvait qu'on n'avait sans doute pas le droit de coucher avec un Allemand. Quand on pense à ça, au progrès qu'on a fait, ben, c'est quand même encourageant. Maintenant, j'ai plus de problème de ce côté-là. Tout le monde me laisse tranquille. On vous a toujours laissé tranquille, d'ailleurs. Non ? Ça ne servira à rien qu'on ne me laisse pas tranquille. Là, au cours de ce festival d'hier, vous semblez être très accroché au cinéma. Est-ce que vous connaissez beaucoup de jeunes réalisateurs qui sont ici et qui présentent leurs œuvres ? Jeune, non, je ne les connais pas bien. Je connais Kramer, j'ai bien aimé son travail. Donc ici, vous allez excessivement au cinéma. Voilà. Mais est-ce que d'habitude, vous allez aussi souvent au cinéma? Non, j'y vais une ou deux fois par an. Trois fois, peut-être. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous aimez trop le cinéma ou pas assez? Ça veut dire que je l'aime. J'aime le cinéma. C'est pour ça que je choisis ce que je vois. Il faut en finir avec ce dégoulinage du public le long du film. J'appelle ça un sans-rentrée, vous voyez. Je crois que le spectateur ne voit plus rien. Parce qu'il ne sait pas choisir. Parce qu'il ne sait pas voir, comme il ne sait pas lire. C'est identique. En fait, c'est un choix qui doit s'opérer pour lui. Non, il faut qu'il apprenne à voir. Enfin, s'il n'en a pas le désir, qu'il reste où il est. Moi, je considère que j'ai 30 à 35 000 spectateurs en France, mais ça ne m'intéresserait pas du tout d'écrire pour les autres. D'ailleurs, j'en serais bien incapable. Mais il faut arriver à cette notion-là. 30 000 lecteurs, c'est beaucoup. C'est ce que j'ai eu pendant des années. Et même, j'en avais moins que ça. Que beaucoup d'écrivains en avaient moins que ça. Et vous savez, il me disait un jour, quand toi et moi, on va se lire à 300 000 exemplaires, ça n'aura pas de sens. Ça, j'ai quand même des livres qui sont vendus plus que ça, remarquez, Moderato et Hiroshima, mon amour. Mais ça, je ne sais pas, ça s'apprend à lire. Je pense qu'au XVIIIe siècle, par exemple, les gens savaient lire. Parce qu'ils faisaient un choix, parce qu'ils allaient vers un écrivain, vers quelques écrivains. Qu'il y avait un temps, mais il suffit d'une personne pour savoir. Quand vous lisez un livre de Diderot, vous savez lire pour toute votre vie. C'est vrai, mais de temps en temps, on attend aussi d'un écrivain autre chose. On attend la suite. Ça m'est égal ce qu'on attend de lui. C'est lui qui compte. C'est lui qui a décidé de lui-même. Mais lorsque vous dites que vous écrivez pour X milliers de personnes, ça veut dire que vous les connaissez, ces gens? Pas du tout. Non, je sais par les chiffres que j'ai que c'est le bon chiffre pour moi. Vous voyez, mais au lieu de me décourager, ça m'encourage. C'est-à-dire que je sais exactement à quel nombre de gens je peux m'adresser et je trouve que c'est très bien, c'est très juste, c'est très normal, si vous voulez. Et qui sont vos lecteurs? Qui sont vos spectateurs? Les jeunes, surtout. Mais ce sont des jeunes qui sont devenus vieux, quand même, depuis quelques années, qui ont déjà atteint l'âge adulte. Les vieux sont restés, je crois, avec moi. Voilà, c'est ça. Depuis 20 ans, oui, bien sûr, depuis Hiroshima. Depuis Hiroshima. Bon, depuis Hiroshima, c'était... Non, depuis... Oh, c'est pas tellement vieux, depuis... Détruire, dit-elle, ça fait 10 ans. Tout à fait, oui. Avant. Je crois qu'il y a aussi tous les gens d'Hiroshima qui vous suivent toujours. Peut-être, je ne sais pas. Oui. C'est possible. Ils vous écrivent, ils vous le disent. Oui. Oui, beaucoup. Oui. Et le contact que vous avez avec ces gens vous rassure, vous confirme dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes? C'est sûr que mon... Comment appeler ça? C'est pas une sécurisation, c'est pas du tout le mot. C'est une... Si vous voulez, l'approbation des gens, c'est évidemment le principal. Vous venez d'entendre Marguerite Duras au Festival du Jeune Cinéma d'hier, au micro de Michel Borin, en septembre 1979. Vous pouvez réécouter cette émission à volonté et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.